on utilise la guillotine pour couper des boutons pour après pouvoir les utiliser pour faire par exemple comme là on est en train de faire des paniers de basket. C'est plein en fait, c'est derrière, non? Ça tombe derrière? Ouais. Ah oui.